إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبتدئ اليوم المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان، نتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن فضل تلاوة القرآن، عن فضل القرآن وعن فضل تلاوته. Donc nous entamons aujourd'hui, inshallah ta'ala, la troisième assise parmi les assises du mois de Ramadan. Une assise dans laquelle nous allons parler du mérite du Coran et du mérite de sa lecture. يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وتلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. أما التلاوة الحكمية هي تصديق أخبار القرآن وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والتلاوة اللفظية هي قراءته وتلاوته. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé et de ce que nous leur avons octroyé en secret et en public. Ils donnent en secret comme il donne en public. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورْ. Espérant ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est un commerce qui ne périt jamais. Comme l'a dit Allah azza wa jal, هَلْ أَدُلُّكُمْ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآية. Voulez-vous que je vous informe, comme l'a dit Allah Azza wa Jal selon le sens, voulez-vous que je vous informe d'un commerce qui vous préservera d'un châtiment douloureux? Et Allah Azza wa Jal d'énumérer les différentes formes d'adoration. La lecture du Coran est de deux sortes. Il y a la lecture juridique, à savoir de lire le Coran dans le sens de le mettre en pratique, dans le sens de considérer vrai toutes les informations qui y sont contenues, dans le sens de mettre en application ses ordres et de délaisser ses interdits. Et il y a la lecture lafziyah, qui est le fait de lire le Coran et de le réciter. Et aujourd'hui, on va parler de cette deuxième forme de lecture, à savoir la lecture du Coran. Quant à la lecture juridique, inshallah ta'ala, l'on y consacrera une assise. Et il y a de nombreux textes qui viennent nous montrer le mérite de lire le Coran. De lire le Coran dans sa globalité et des textes, notamment des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent nous montrer le mérite de lire des sourates du Coran de façon particulière. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre les mérites de la lecture du Coran de façon générale, ils sont nombreux. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه والحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه البخاري صلى الله عليه وسلم dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Celui qui l'apprend pour soi, en l'apprenant par cœur, en comprenant l'essence, et en l'enseignant à autrui. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والحديث رواه البخاري ومسلم الماهر أي الحاذق الذي يتقن القرآن حفظا وتلاوة Prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de عائشة رضي الله عنها rapporté par البخاري ومسلم dit الماهر بالقرآن celui qui excelle dans le Coran, celui qui excelle dans le Coran, c'est-à-dire celui qui l'a appris par cœur, de telle sorte que lorsqu'il le récite, il ne s'arrête pas et n'hésite pas dans sa lecture. Il excelle également dans la lecture du Coran et il le récite en respectant les règles de lecture. Ainsi, celui qui excelle dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera avec al-safara al-kiram al-barara, avec les émissaires nobles et obéissants. Et ces émissaires sont les anges. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Abasa, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aydi safarah kiramin bararah. En parlant du Coran, Allah azza wa jal dit, dans le sens des versets, consignés dans des feuilles honorées, élevées et purifiées entre les mains d'ambassadeurs noble et obéissant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنِ et celui qui lit le Coran en hésitant dans sa lecture et en éprouvant de la difficulté à le lire لَهُ أَجْرَانِ il aura deux récompenses. La récompense de la lecture et la récompense de la difficulté qu'il a à lire le Coran. Et il ne faut pas comprendre de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a de la difficulté à lire le Coran a plus de récompense que celui qui excelle dans sa lecture. Non. Nul doute que celui qui excelle dans le Coran a plus de mérite et a plus de récompense que celui qui a du mal à le lire. Car celui qui excelle, comme on l'a dit, sera aux côtés des émissaires, des anges, des créatures, parmi les créatures les plus rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. والحديث متفق عليه. والحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الخفات صلى الله عليه وسلم nous donne l'exemple du croyant qui lit le Coran et du croyant qui ne lit pas le Coran. Il dit صلى الله عليه وسلم: le croyant qui lit le Coran est comparable à al-utrujah, qui est un fruit parmi les agrumes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce fruit comme ayant une bonne odeur et comme ayant un bon goût. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant qui lit le Coran à al-utrujah, cet agrume, pour montrer que ce croyant est bon en apparence comme à l'intérieur. Ils disent que ce qui embellit son apparence est la lecture du Coran, et que ce qui fait que son intérieur est bon est sa foi, car c'est un croyant. Et le croyant qui lit le Coran, tout est bon en lui, son apparence et son intérieur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le croyant qui ne lit pas le Coran est comparable à une datte qui n'a pas d'odeur mais qui a un bon goût. Et si les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant qui ne lit pas le Coran à une datte, car la datte n'a pas d'odeur. Ainsi, le croyant qui ne lit pas le Coran, il n'y a pas de choses en apparence qui le distingue, mais la foi qu'il a, le fait d'être croyant et la foi qu'il a fait qu'il est bon. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé une datte qui n'a pas d'odeur, mais dont le goût est extrêmement agréable. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. إذن الحديث أبو أمامة رضي الله عنه le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement pour intercéder en faveur de ceux qui le lisaient. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. Un autre hadith qui nous montre le mérite du Coran, le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'un d'entre vous, si l'un d'entre vous va à la mosquée le matin afin d'apprendre ou de lire deux versets du livre d'Allah, cela est meilleur pour lui que deux chamelles. et trois versets meilleurs que trois chamelles, et quatre versets sont meilleurs pour lui que quatre chamelles, et autant de versets que de chamelles. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le mérite immense de lire le Coran, et que celui qui se rend à la mosquée pour lire ou pour apprendre deux versets est meilleur pour lui que deux chamelles. C'est-à-dire que cela est meilleur pour lui que de donner en aumône deux chamelles. Et les chamelles avaient une grande valeur au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les femelles avaient plus de valeur que les mâles. Et le fait de lire deux versets uniquement, qui est une chose simple et aisée, qui ne demande que quelques secondes, apporte, Allah Azza wa Jal donne comme récompense le fait de donner en aumône des choses extrêmement valorisantes comme les chamelles. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un peuple qui se réunit dans une maison, parmi les maisons d'Allah azza wa jal, pour lire le livre d'Allah et pour l'apprendre et l'enseigner entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les cite auprès de ceux qui sont auprès de lui subhanahu wa ta'ala, à savoir les anges et les habitants du ciel. Et le fait qu'Allah azza wa jal te cite et fasse tes éloges auprès des habitants du ciel et fait partie des plus grandes faveurs et des plus grands mérites. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous encourage à lire régulièrement et à réviser ce que l'on a appris du Coran régulièrement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, révisez le Coran, car par celui qui détient mon âme dans sa main, il peut s'échapper comme le chameau s'échappe de son enclos. Lorsqu'un chameau est attaché, il s'efforce de dénouer ce nœud. Ainsi, ceux qui s'occupent des chameaux viennent régulièrement vérifier les nœuds qui attachent ces chameaux. Car un chameau qui se sauve, c'est un chameau que tu auras très peu de chances de retrouver. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à réviser le Coran, à tout le temps le lire, afin qu'il ne s'échappe pas et que ce que l'on a appris ne soit pas oublié. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. في رواية وليقل نسيت. لماذا؟ لأن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه. prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim que l'un d'entre vous ne dise pas j'ai oublié tel et tel verset du Coran, mais qu'il dise on me l'a fait oublier. Ceci en guise de respect vis-à-vis du Coran. Ceci en guise de respect vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas dire « j'ai oublié ». Car ta parole « j'ai oublié », l'on peut en comprendre que tu as été négligent vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'as délaissé. Parmi les sens de « nasiya » en arabe, il y a le fait de délaisser. Il y a le fait de délaisser. Or, il n'appartient pas à un croyant de délaisser le Coran. Et il ne lui appartient pas de dire des paroles qui pourraient le laisser entendre. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'il dise, on me l'a fait oublier. Que le shaitan lui a fait oublier. Et dans le hadith d'Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une lettre du Coran, il aura pour chaque lettre lue une hasana, une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Ceci d'office. Toutes les bonnes actions sont multipliées par 10. Et ceci est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour les croyants. Et cela n'est pas le cas pour les mauvaises actions. Les mauvaises actions ne sont pas décuplées, contrairement aux bonnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliciter sa parole, pour qu'elle soit bien comprise, a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Ainsi, celui qui dit alif lam mim en récitant le Coran, il a 30 hasanat. Voici les quelques mérites de la lecture du Coran. هذه فضائل قراءة القرآن وهذا أجره العظيم لمن احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Voici les mérites de la lecture du Coran. Des mérites immenses et des récompenses grandissimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui lit le Coran. Le dupé est celui qui se détourne de la lecture du Coran. Le véritable perdant est celui qui n'a pas saisi ses occasions de lire le Coran et de remplir sa balance de bonnes actions. Ces mérites concernent la lecture du Coran de façon générale. Mais il y a des sourates du Coran, des sourates du Coran qui ont un mérite particulier. Pour celui qui les lit, une récompense encore plus grande que celle que nous a citée le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths précédents. بعض الصور التي لها فضائل معينة ومخصصة. من تلك السور سورة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à l'un de ses compagnons, Abu Sa'id ibn al-Mu'ala radiyallahu anhu, et lui a dit: je vais t'enseigner la plus immense sourate du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. هي السبع المثاني. السبع المثاني, ce sont les sept versets de Sourate Al-Fatiha, comme l'ont cité un certain nombre de savants. Et d'autres savants disent que السبع المثاني, ce sont les grandes sourates. الطوال, les grandes sourates du Coran, les sept grandes sourates du Coran, que sont Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, et il cite Al-Anfal et Al-Tawba comme étant une seule et même sourate. Et d'autres savants ont dit que Al-Sab'u Al-Mathani, ce sont les sept versets de Sourate Al-Fatiha. Et ils ont pour preuve ce hadith que l'on cite actuellement. Et Al-Mathani signifie le verset ou la surat dans laquelle sont répétées des exhortations et des leçons à retenir. Les sept versets de Surat Al-Fatiha, qui les connaît? Qui sait les séparer? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est un verset d'aucune sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas considéré comme un verset des sourates qu'il précède, hormis sourate An-Naml. Ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset qui fait partie de cette sourate. Innahu min Sulayman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le premier verset de sourate Al-Fatiha, ce n'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et la preuve est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que celui qui récite Al-Fatiha, il engage une conversation et un échange avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jal dit Hamidani Abdi. Mon Seigneur, mon serviteur m'a remercié et m'a loué. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc le premier verset de Sourate Al-Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Le deuxième, Ar-Rahman Ar-Rahim. Le troisième, Maliki Yawmiddin. Le quatrième, إياك نعبد وإياك نستعين. Le cinquième, إهدنا الصراط المستقيم. Le sixième, صراط الذين أنعمت عليهم. Et le septième, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce sont les sept versets de Sourate Al-Fatiha. Et ce qui nous montre également les mérites de cette sourate et que c'est la meilleure sourate du Coran, أن قراءتها ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها, que la lecture de sourate Al-Fatiha fait partie des piliers de la prière. Une prière ne peut être valide sans la lecture de sourate الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. سورة البقرة، سورة لافاش، سورة آل عمران ont une particularité et un mérite particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: اقرأوا الزهراوين. Lisez celle qui illumine. Celle qui illumine, qui sont une lumière et qui éclaire. Al-Baqarah wa Al-Imran. Surat Al-Baqarah et Surat Al-Imran. Car elles viendront le jour du jugement comme deux nuages. Aw ghayayatani, ou comme deux ombrages. Aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf. Elles viendront comme deux groupes d'oiseaux les ailes dépliées. Autrement dit, elles apporteront de l'ombre à ceux qui les lisaient le jour du jugement. Le jour du jugement où le croyant aura besoin d'ombre pour se mettre à l'abri de ce soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces deux sourates intercéderont en faveur de ceux qui les lisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à lire sourate al-Baqarah. Il dit: lisez sourate al-Baqarah, car le fait de la lire est une bénédiction. De la délaisser, de délaisser sa lecture, sera remords. Et les sorciers ne peuvent la supporter. Les sorciers ne peuvent la supporter de par l'effet que cette sourate a sur les sorciers et sur la sorcellerie. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. Il dit صلى الله عليه وسلم, le hadith rapporté par Muslim, qu'une maison dans laquelle est lue سورة البقرة, le diable n'y pénètre pas. Ceci car il y a dans سورة البقرة le verset du repose-pied, Ayatul Kursi. Et il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que celui qui lit Ayatul Kursi, le verset du repose-pied, qui est le meilleur verset du Coran, celui qui lit le verset du repose-pied la nuit, le diable ne saurait l'approcher jusqu'au matin. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أن جبريل عليه السلام وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. جبريل عليه السلام était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: voilà une porte qui vient de s'ouvrir. Voilà une porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel. Elle n'a jamais été ouverte auparavant. Puis il a dit: un ange est descendu de cette porte et est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je t'apporte la bonne nouvelle de deux lumières qui te sont accordées, qui n'ont été accordées à aucun autre prophète avant toi. Fatihatul Kitab, Al-Fatiha, et les derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Lorsque tu lis une lettre de ces versets, alors tu bénéficieras de ces deux lumières. ومن السور المعينة والتي لها مزية وخصوصية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. Parmi les sourates qui ont un mérite particulier, sourate al-Ikhlas, sourate qul huwa Allahu ahad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. Et le fait de lire le sourate al-Ikhlas et d'avoir la récompense de lire le tiers du Coran ne veut pas dire que celui qui lit sourate al-Ikhlas trois à trois reprises que cela l'exempte de lire ce qu'il doit lire. Je m'explique. On a vu précédemment que parmi les mérites de sourate al-Fatiha est que sourate al-Fatiha est un pilier de la prière. La salat liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Point de prière pour celui qui ne lit pas sourate al-Fatiha. Si une personne vient et dit: dans ma prière, je n'ai pas lu sourate al-Fatiha, mais j'ai lu qul huwa Allahu ahad à trois reprises. Et lire « Qul huwa Allahu ahad » à trois reprises revient, en termes de récompense, à lire le Coran entièrement. Or, Al-Fatiha fait partie du Coran. Donc, je n'ai pas besoin de lire surat Al-Fatiha. Nous répondons non. Effectivement, tu as la récompense d'avoir lu le Coran entièrement, mais cela ne t'exempte pas de lire ce qui t'est obligatoire de lire, notamment pendant la prière. De lire surat al-Ikhlas à trois reprises ne t'exempte pas de lire al-Fatiha dans chacune de tes raka'at. Parmi les sourates qui ont du mérite, surat al-Mu'awidhatayn, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Dans le hadith de عقبة بن عامر, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: n'as-tu pas vu des versets qui sont descendus? Il n'y a pas de verset semblable à eux. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et ainsi, on peut énumérer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent les mérites du Coran. Tous ces textes doivent nous amener à beaucoup lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de façon particulière dans ce mois de Ramadan, qui est le mois du Coran. Et la lecture dans le mois de Ramadan a une particularité aussi. Et Allah Azza wa Jalla accorde une grande récompense. Jibril alayhi salam venait exposer et lire le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entièrement chaque Ramadan. Chaque année pendant le mois du Ramadan. Et l'année où est décédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam est venu pendant le mois du Ramadan lire et exposer le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam à deux reprises. Le fait que Jibril alayhi salam vienne réciter le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois du Ramadan nous prouve que la lecture pendant le mois de Ramadan du Coran est plus que recommandée. Et ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahum Allah ta'ala, ils lisaient énormément le Coran pendant le Ramadan, pendant leurs prières de nuit et en dehors de ces deux moments. L'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'entrait le Ramadan, il disait: maintenant, nous nous consacrons à la lecture du Coran et à nourrir les nécessiteux. Lorsqu'entrait le mois de Ramadan, cet illustre tabi'i, ce grand savant Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri radiyallahu anhu rahimah, qui est né en l'an 50 de l'Hégire et qui a rapporté des hadiths de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, de Anas ibn Malik radiyallahu anhu et de Sahl ibn Sa'd, un grand imam parmi les salafs rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, lorsqu'entrait le mois du Ramadan, délaissait la lecture du hadith et il délaissait les assises de science et il se consacrait uniquement au Coran et à la lecture du Coran. Et l'imam Malik rahimahullah, imam Udari al-Hijra, l'imam de Médine, cet illustre savant de l'islam, au point que l'on dit que personne ne fait de fatwa lorsque l'imam Malik est présent à Médine. Qatada rahimahullah ta'ala, Qatada ibn Du'ama al-Sadousi rahimahullah ta'ala, qui fait partie des pieux prédécesseurs, un grand tabi'i, qui a rapporté également des hadiths de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et a rapporté de nombreux tabi'in également. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit sur l'imam Qatada qu'il était rempli de science, et qu'il était donné comme exemple pour montrer on le citait en exemple pour montrer la force de mémorisation. Car c'était un hafiz. Il a appris un nombre extravagant de hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. L'imam Qatada, rahimahullah, terminer le Coran de façon habituelle tous les 7 jours. Et lorsque venait le mois de Ramadan, il terminait la lecture du Coran tous les 3 jours. Et lorsque les 10 derniers jours du Ramadan entraient, il terminait la lecture du Coran tous les jours. Et jusqu'à notre époque, des savants sont connus pour lire le Coran en 3 jours, voire en 1 jour. Ne pensez pas que cela est impossible, de lire un peu plus de 600 pages par jour. Non. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Nous avons facilité le Coran. Nous avons facilité le rappel. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Y a-t-il une personne pour se rappeler? Allah Azza wa Jalla a facilité le Coran dans sa lecture. Il a facilité le Coran dans son apprentissage pour celui qui le souhaite et pour celui véritablement qui le recherche. Ibrahim al-Nakhai, également parmi les grands tabi'in, rahimahullahu ta'ala, terminait la lecture du Coran pendant le Ramadan tous les 3 jours. Et lorsqu'entraient les 10 derniers jours, il le terminait tous les 2 jours, rahimahullahu ta'ala. Ainsi, nous devons prendre en exemple ces salafs, ces pieux prédécesseurs qui sont nos exemples. Et nous devons nous efforcer à leur ressembler et à suivre leurs pas dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le sujet d'aujourd'hui concernant la lecture du Coran, l'un d'entre nous est extrêmement heureux s'il a réussi à terminer la lecture du Coran pendant le mois du Ramadan. C'est peut-être la seule fois dans l'année où il lit le Coran dans sa totalité. Cela nous montre que nous sommes loin encore de nos pieux prédécesseurs et que nous devons placer la barre haute au-dessus de nous pour nous encourager et pour revivifier notre motivation à nous exceller dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment dans la lecture du Coran. هذا ما تيسر ذكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.